بسم الله الرحمن الرحيم. Il y avait des tamarines. Il y a des tamarines pour aujourd'hui. أولا سؤال عندك عبد القادر. وعليكم السلام. Comment tu connais Nart, Sifa? C'est quoi ces alamat? C'est quoi ces signes? Quelles sont ses particularités? Ahmed Allah En général, il est Marifa. Ah bon? Quand je te dis Marifa, il n'y a pas de Alif Allah, mais on sait qu'il vient pour truquer le Maranous. Ça veut dire quoi truquer? Comment tu dis? Le qualifier. Allez voir. Il est Marifa? Hein? Bah, il est connu, quand je dis les mar... Il n'y a pas d'Alif Alam, c'est pas... Ah vous? Bon, des fois, il y a, bon, mais... Ouais, normalement, il n'y a pas d'Alif Alam. Non, tu as rajouté une particularité qui n'en fait pas partie. Ouais. On a dit une phrase qui résume le tout, par rapport au Nart, Sifa. On a dit... Il s'accorde en tout, exactement pareil que le... Il s'accorde en genre, en nombre, il finit pareil que le... Que le mot qui vient qualifier. Non, il le mot souffle le Donc si le manout il est malifa, il sera malifa. Voilà. Et s'il est kira, il sera kira. Donc il n'est pas obligé de malifa, il est pas obligé de kira. Ça dépend du. Non, justement. Ah ouais. Ça dépend du mot souffle. Il vient après lui, il prend son irlab et il le suit en nombre et en genre. Vous avez volé quel exercice? On avait le 2 et le 3. D'or, il faut là, il faut que je me l'aie dit, Khadija, Talibatun, Faddal, ya Mohamed. Jamilatun. Vous avez les mouminines, il y a Roudou, une bassarim. Une bassarim. Comment tu sais qu'elle est Jamila? Hein? Comment tu sais qu'elle est Jamila? Raït ou fi Ruyati. Fi Ruyati. Voyez. Khalidun Tajirun. Khalidun Tajirun. Khalidun Tajirun. Summa. طيب العربية لغة صعبة صعبة صعبة كل سهلة صعبة لم تفهمكم لا بشروا ولا تنفروا ايوه لا ولكن او يسروا ولا تعسروا فاسيليتي ني كومبليكي باس دي سا يعني سي دور يعني اه سي دور لا لونغ عرب لانه في لغة الانجليزية جعلته سهلا ايوه C'est l'acteur du mettre Jamila et pas sur Khadija. Hein? C'est l'acteur du mettre Jamila. Vous voyez, l'arabie, elle est Jamila. Taïeb. Taïeb. Elle est Rasour, Ta'irun. Ta'irun. Elle est Toufaï ou Fakihatun. Nazizun. Non. Là. Nazizun. Non. Fakiha, c'est Mouenna. Anna Moudarrisun. Aïché, n'importe quoi, qui qualifie. Anna Moudarrisun. Je t'accoule un peu. Ah. شديد محمد طبيب مجتهد laisse des réponses à laisse des réponses non mais c'était mon tour là en fait tu l'as pris ton tour tu vois bah pour l'instant tu vas en faire deux alors الإنكليزية لغة نعم أأنت طالب عندك مثلا عندك لا أأنت طالب وغانا عقب الفن ريبونس أنت طالب أأنت طالب مجتهد طيب القاهرة مدينة واسعة واسعة طيب C'est une grande ville, une ville. Maintenant c'est l'axe. J'ai mis Rabban, c'est bon ça ou... Où ça Anta Talib. Rabban, non. Ça rentre dedans. Dorf il mekani khali, il jumel atiati man outan munasaman. Maintenant on veut quoi? Un pari, un manot, celui qui est qualifié. Al Arabiya m sahlatun. Loratun, non. L'arabe est une langue facile. Anna m qadimun. Non, je suis un étudiant ancien. Un vieil étudiant. Ammarun m ghaniyun. Tajirun. Hada m maksurun. Hada al kaub. Hada al kaub maksurun. Là. Là, il est balade. Ah ouais, et maksur, il va être quoi? Maksur. Ça va être rabat. Si tu dis comme ça. Donc, ça change le sens. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut un art, un manout. On veut un khabar. N'oubliez pas, on a dit que le nart il suit le manout dans tout. Donc là, le nart il est nakira. Le nart il... Donc on veut un ism nakira. Hada kawbun. Hada kawbun, nam, maksouran. Tayyib. Bon, on rentre dans la deuxième partie du derf. Donc, alhamdoulilah, le na'at sifa mafhoum. Là, on va prendre, inshallah, aujourd'hui, un nouveau ism istifham. C'est Aïna. Vous voyez ? Aïna, ismu istifham lil makan. Vous voyez, c'est un pronom interrogatif qui définit le lieu, qui interroge sur le lieu. Voyez. On va lire le texte. La. Je crois que c'est le... Moi, je vous dis pas. Quoi, t'as pas la preuve? Toi, tu vois, c'est où? Après les kalimats. Ouais. C'est du temps. Kalimats, j'ai dit ça, mais moi, j'ai pas, Aïna. Tourne, toi. Ah, ça va, Aïna. Non. Ah, d'accord. Okay. Il dit Aïna el Mudarrisu. Donc Aïna ça se traduirait par où? Nam, où est? Aïna el Mudarrisu. Où est l'enseignant? Huwa fi al-fasl. Il est dans la classe. La. Wa ayna al-mudarrisu al-jadid? Et où est le nouvel enseignant? Huwa 'inda al-mudir. Il est chez le directeur. 'Inda. 'Inda. C'est un zorf makan. Voyez? Qui veut dire chez. Et il peut avoir d'autres sens encore. Du moins, il peut être traduit d'une autre façon. Là, il veut dire chez. Chez, auprès. Vous voyez, Naam. Aïna Taliboul Jadidou. Où est le nouvel étudiant? Zahaba, il est le Maktabati. Il est parti à la bibliothèque. Man zalika rajoulou et tawilou lazi kharaja al-ain et madrasati. Et là, dans cette phrase, on a encore une nouvelle chose. C'est al-lazi. C'est-à-dire. La traduction serait quel est cet homme, ce grand homme qui est sorti maintenant de l'école. Donc elle l'a dit. Là on a un nouveau mot, c'est elle l'a dit. Et ça traduit quoi elle l'a dit? Elle l'a dit, c'est celui qui celui ou qui, ça dépend comment vient la phrase. Là, on dirait, qui est cet homme, qui est ce grand homme, qui est sorti maintenant de l'école. Et aussi, il peut être souvent traduit par celui. Il peut être traduit par celui. Ça s'appelle Ism Mausoul. Aïna, on a dit, on l'avait pas pris avant ça, Aïna. Aïna, on l'a déjà pris ? Non. Je ne me rappelle pas qu'on l'a déjà pris. Ism. Je le connaissais d'avant, alors je ne sais pas si on l'a pris. Donc on a dit Ism ou Ishara. Là, Mausoul. Non, non, ça c'est voilà ça. Ism Mausoul. Là, ça c'est Al-Lazi. Ism Mausoul. Aïe, oui. Al-Lazi. Ism Ishara. Lequel ? Al-Lazi. Si, Aïna, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu ? Très bien. Donc, Al-Lazi, c'est Ism Mausoul. للمذكر المذكر المفرد طيب المذكر المفرد في اسم موصول pour masculin singulier il y en a d'autres pour le pluriel pour le féminin ainsi de suite il y en a d'autres ça c'est le premier qui vient للمذكر المفرد donc ça durait par celui ou qui. Donc on revient, on prend la phrase. Man zalika ar-rajul at-tawil alladhi kharaja al-an min al-madrasa. Qui est ce grand homme qui vient de sortir à l'instant de l'école? Ils disent huwa al-mudir al-jadid, c'est le nouveau directeur. Wa man al-walad as-saghir alladhi kharaja al-an min al-fasl. Et qui est ce petit enfant qui vient de sortir de la classe? وابن المدير الجديد c'est le fils du nouveau directeur. لمن تلك السيارة الجميلة, à qui est cette belle voiture? لي حفجر comme on a dit. هي للمدير الجديد, elle est au nouveau directeur. لمن هذا الكتاب الكبير هو للمدرس, à qui est ce grand livre? Il est au professeur, à l'enseignant. C'est le lam tout seul qui a rafoudé. Nam. Là, vous voyez le talib al-jadidi. Non, il est au nouvel étudiant. Aina al-mil'aqatu al-saghiratu. Où est la petite cuillère? Hiya fil koubi. Elle est dans le verre. Aina al-kursiyu al-maksuru. Où est la chaise cassée? Qui est cassée? Elle est là-bas. On peut dire ici aussi. Là on a Tilka. Nam. Inch'Allah qu'on a déjà vu. Nam. Mais c'est quoi la différence entre ce Tilka, Tilka Sayaratu et Tilka Rusul? Hein? Tilka Rusul. Tilka Rusul. Pas de l'un bardou mal à barbe. C'est le même. C'est le même. Eh ben Tilka c'est Ismu Inch'Allah l'île Baïd. Ça va venir après ça, Inch'Allah. Et c'est moi. En général, c'est Mouannas. C'est d'autres branches qui vont venir dans d'autres koutoubs grands après, Inch'Allah. Quand? Et Atif, il koutoub le Moutaouila. Dans les livres, il y a plus de développement. C'est pas maintenant. Toi, t'es parti pour un récit du Coran, toi qui t'aimes Awel. T'as fait un grand pas. Tu vois, t'as fait un grand pas. Ça vient, Inch'Allah, une explication. Et tu vois, tu vas trouver souvent. Ça y est. Donc, Tabarine. Ikra ou Aktoub. Donc il est toujours Muzakkar et toujours. Al-Lazi. Al-Lazi. Non, Al-Lazi. Al-Lazi. Celui-là, Nam, il est Muzakkar et Mufrad. Il y en a d'autres. Ça, c'est le Ism Mausoul pour le Muzakkar et Mufrad. Après, tu en as un autre pour le Mouannas Mufrad. Après, tu en as un autre pour le Moussanna, le duel. Et après, ça pour le Jam, ainsi de suite. Ils vont venir au fur et à mesure. Ça y est, Ikra ou Aktoub. Lise la première phrase, Abdel Kader. الطالب الجليل طبيب الطبيب الجليل في المستشفى في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف مستوصف في نافاميري un petit hôpital comme celui qu'on a là-bas de Medj, la Moustaoussof. Donc Benoît a voulu quoi? Vous montrer un art. Un art Mahalifa, qui suit le Mahalifa. Vous voyez? At-Talibou, il est quoi? At-Talibou, il est Mahalout. Avant ça, il est quoi dans la phrase? Mubtada. Vous voyez? Donc il est Mahalifa. Al-Jadidou, il est? Kabal. Non, il est. Ouais, c'est ça. Le Na'atifa de Tabib. Donc il le suit. Il est Mahalifa comme lui. Il est Mahalifa comme lui. Il est Mouzakar comme lui. Vous voyez? Il est Moufrad comme lui. Il est quoi? Moufrad. طيب في حرف الجر المستشفى اسم مجرور طيب لا تنبيه ça que j'avais dit sur le def de où tu étais pas là toi في المستشفى tu rappelles j'avais écrit alif maksour en fait c'est alif maksoura c'est les féminins c'est alif maksoura maksouratun ayo tu rajoutes un ta marbouta je me suis trompé je l'ai mis mouzakar alors en fait c'est un mouannas. C'est le même mot, c'est juste tu ajoutes un T à la fin. Mais j'étais là. T'es là? Non. Non? C'est le jour où on a pris deux ders, t'étais pas là. Ah ouais? Tu connais peut-être la chose, mais ce jour-là, t'étais pas là avec nous. Donc c'est Alifun Maksouratun. Et non pas Alifun Maksourun. En fait, tu dis Maksour quand quoi? Quand c'est le nom qui lui a Alif à sa fin comme ça, ça s'appelle Ism Maksour. Mais le Alif, ça s'appelle Alifun Maksoura. Vous voyez? J'ai confondu entre les dénominations. Le alif, non. Maksoura. La huruf en arabe, c'est féminin ou masculin? Apparemment, c'est féminin. Ah, c'est pour ça que non. C'est... En plus, on a pris l'exemple, c'était l'exemple. Ça y est. Donc, tu dis ism maksour, c'est le ism qui a à la fin un alif maksoura. Par exemple, moustachfa, c'est un ism maksour. Pourquoi? Parce qu'il a à sa fin un alif maksoura. On a dit alif maksoura, elle ne prend pas de harakat. Pas de fatha, pas de kasra et pas de dhamma, que la soukoud, sakin. Vous voyez? Wattabibu al-qadimu fil mustawsafi. Voilà, waw, haf, atf. Wattabibu mubtada al-qadimu. Il est mudaf, il est. C'est un. Nam, c'est un at. Fi, haf, jar, al-mustawsafi, ism majrour, fil mustawsaf. C'est le khabar de Tabibou. Vous voyez? De quoi? C'est le khabar de Tabib. De quoi qui est khabar ici? Il est où le khabar? Moustapha. Fil Moustapha. Fil Moustapha. Non. Deuxième phrase. Andek, Mohamed. Al-Qalamu. Al-Qalamu al-Maksouru al-Maktabi. Non. Vas-y. Décompose cette phrase. Al-Qalamu Moubtala. Non. Al-Maksouru. Naat. نعم على حرف جر نعم على المكتبي مجرور نعم الخبر اللي هو الخبر على المكتبي نعم parce que regardez si on avait dit al qalam maksour là on a eu quoi al qalam mubtada ya khabar donc là quand tu dis al qalam al maksour là on voit que c'est un art qui est en arrière طيب et la phrase donne un khabar qui est على المكتبي troisièmement المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة مروحة سي لا ventilateur مروحة سي ventilateur ça peut aussi être un hélicoptère c'est tout ce qui signifie on peut dire c'est مروحة un hélicoptère ce qui fait des choses qui font du vent les choses qui font du vent c'est les choses qui font du vent en fait. نعم. دوك المروحة الجديدة. مروحة المبتدا. إيب. إلي مؤنث. دوك الجديدة. سي أن نعت. إلي مؤنث كم لوي. مرفوع كم لوي. مفرد كم لوي. في حرف الجر. دوك المروحة. إلي معنوت أوسي. نعم إلي معنوت. مي سا سي با سا دون لا فراز. إلي كو؟ Manout, Mausouf. Celui qui prend un dart. Celui qui est décrit. Fi, Halfujar. El Rulfati, Isma Jurur. Voyez. Ou El Kabira. El Kabirati, qu'est-ce qu'il est? Fi, le Rulfati, El Kabirati. Il est quoi? Je dirais, il est Moudafleg. Il est Sifa. Sena. Le Rulfa. Fi le Rulfa til Kabirati. Taïeb. Et puis Rulfa, c'est le Khabar. El Kabira, c'est Naat de Rulfa. Naam. Rabi'an. Andak. Abdel Kader. Le Nourat al-Arabiyyatu. Le Nourat al-Arabiyyatu. Naam. Le Nourat al-Mutada. Arabiyyatu. Sifa, on est Sifa Mim. Tu dis Sifa, non? Sifa. On a. Ensuite. Ensuite. Sahla. Khabar. Khabar, Ahsant. Bon, cette phrase-là, je vais la faire parce qu'elle est un peu longue. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب للهندي. Donc on a الولد مبتدا الطويل خبر صفافن الذي خرج من الفصل الآن طالب للهند. Qui c'est qui me trouve le khabar? Qui c'est le ماشاء الله القوي qui me trouve le khabar? Salam alaikum. Le khabar de cette phrase. On a dit Al-Waladu Mubtada. Al-Tawil Sifa. Al-Ladi, c'est Ismul Mawsoul. Nam. Kharaja min al-Fas, Kharaja Fial. Nam. Min, c'est Al-Fujar. Al-Fujar. Nam. Al-Fas, li, Khabar. Min al-Fas, Khabar. Kharaja min al-Fas. La. Kharaja, c'est Fial. Talibun, c'est le Khabar. Al-Fujar. Ça fait comme tu disais, elle voit du Tawilu, Talibun Nel Hind. Si je te dis, elle voit du Tawilu, elle l'a dit. C'est où je mets Moufida ? Elle n'est pas Moufida, t'as pas une suite. Donc, face, c'est quoi ? Face ici ? Il n'y a rien, face, ou à ça. Comment ça, il n'y a rien ? C'est Talib. Il est ce majeur, pas mine. C'est tout. Ah, d'accord. Elle est juste ce majeur. Le khabar, c'est Talibun. Majeur. C'est pas pas, c'est Gwendi. Al-Al. C'est un zorf. Zaman. De toute façon, cette phrase-là, c'est là. Les phrases qui viennent après Ismo Soul, c'est pas maintenant. Vous voyez, on s'occupe pas maintenant pour l'instant. Pour l'instant, on se concentre sur le Khabar. C'est Talibun. Parce que si on se met à rentrer dans la phrase qui vient après Ismo Soul, là, ça va être lourd. Là, ça va prendre beaucoup. Donc, Talib Fakat, c'est autre chose encore. Talib Fakat, c'est le Khabar. C'est le Khabar, naam. Min, Halfujab, wa alaykum salam. Wa le Hindi, Ism Majrur. Ou la phrase qui vient après l'Avi, Inch'Allah, ça viendra plus tard. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Laquelle? L'Avi est toujours une phrase qui vient derrière. Ouais. Donc, cette phrase qui vient derrière, on viendra, on en parlera après. Après ça, après l'heure, ça, on fera plus tard. Ouais. Faut qu'il parle ça pour l'instant. C'est un autre sujet. Vous voyez, là, le plus important, c'est que vous ayez distingué entre le Moutada et le Khabar. Même si le Khabar, il est tout à la fin de la phrase. Vous voyez? نعم طيب لا في دي فاضل لبوطة محمد أنا في المدرسة الثانوية نعم تفضل أنا مبتلى أحسنت نعم في حرف جر نعم المدرسة بو في المدرسة الثانوية الخبر نعم الثانوية المدرسة يوصي لمجهول نعم الثانوية إلى المدرسة الثانوية إلى المدرسة الثانوية نعت نعت de مدرسة طيب في الكوليج Je suis au collège. Je suis au collège. La phrase. ذهب الرجل الفقير الى الوزير. طيب دونك لا جو لا فعل لا ذهب سي كوا سان فعل فعل ماضي. طيب الرجل الى كيف يجي قبل الفعل كي مرفوع سي كوا الاسم مرفوع في الفاعل احسنت في الفاعل dans ma tête on peut mettre nous dans notre tête c'est celui qui fait l'action, c'est ça, c'est le sujet, ouais, c'est le sujet. Ce qu'on appelle le sujet, nous, non, celui qui fait l'action. Al-Faqiru c'est na't de rajul, c'est-à-dire al-rajul al-faqiru il est harf jar al-waziri ism majrur, c'est-à-dire l'homme pauvre est parti chez le ministre. Il a le wazir, c'est khabar. Il n'y a pas de khabar, il n'y a pas de mutada là. C'est une jumla fi'aliya. On va en parler, Inch'Allah. Donc regardez, tu vois, une fois. Donc on va dire quoi? L'homme pauvre est parti chez les ministres. Regardez là, on va dire chez, alors qu'en vrai, chez serait plutôt inda. Là, qui voit, halfojar, il est. Il veut dire, en fait, ce serait plutôt au ministre, mais comme dans notre cas, ça ne se dit pas, on va dire chez. Mais le vrai sens, on traduirait littéralement, on dirait au ministre. Ah nous, on dirait il est parti voir le. Voilà, il est parti voir le ministre. On traduirait vraiment comme ça. C'est-à-dire que la phrase sera encore plus longue. Vous montrez des verbes qui en arabe ne sont pas présents. Voilà. Mais nous, on sera obligé de le dire comme ça en arabe. Taïeb. Jala Saltan Aliboul Jadidou Khalfa Hamidin. Elle est pour toi celle-là, Abdelkader. Jala Saltan Aliboul Jadidou. Nam. طالب فاعل نعم الجديد صفة جديد طالب جديد صفة طالب نعم خلف خلف ظرف أيوة ظرف للمكان نعم ظرف مكان صح ظرف مكان حامدين حامدين اسمه ماذا خلفه ايش خلفه هذه اسمك مجرور صح لما جوا بقى مجرور بده حرف جر له ساش que le اسم مجرور il vient de pourquoi on a vu que cela il rendait derrière pourquoi ah il va pourquoi c'est simple on l'a pris le derf مجرور non hein pourquoi il est مجرور c'est la question il est مجرور parce que خلفه il est مجرور non ah bon comment il est مجرور ça prend jar ده حرف جر؟ نعم، أنا بس تبى ده حرف جر، محمد، بقوا. خلف. خلف. Donc il est ism majrur et il est mudaf ilayh. C'est ça. Bah, tout le mudaf ilayh majrur à la base. Ouais. Tout le mudaf ilayh est majrur. Donc khalfa il est mudaf. C'est comme si c'était bayt Muhammadin. Khalfa il est mudaf. Hamidin mudaf ilayh. Voyez. As-sikkin al-kabir hadd jidd. Le grand couteau est très aiguisé. Donc as-sikkin va être mutada. طيب الكبير نعت لسكين حد خبر جدا كما بتا on a dit ça veut dire quoi جدا très bien نعم طيب من هذا الولد الصغير هو ابن المدرس الجديد من السكين on a dit c'est quoi سكين مبتدا الكبير نعت نعم حد خبر جديد جدا بتاع ان شاء الله في نفس الكتاب له طيب من هذا الولد الصغير حد جديد نعم جديد طيب من هذا الولد الصغير للشاهد في الفراز اون فو نو في الصغير سي كو الصغير الي كو Non, c'est pas un problème. C'est un art de Walad. Ou Abnul Moudarris El Jadidi. Non, mais les premiers, c'est quoi? Là, on laisse pour l'instant. Ah, c'est pas Ismou. Ou Abnul, on le fait. À la base, man, on a dit quoi? C'est Ismou Stifhan. donc ça va être quoi, un khabar muqaddam wa hadha c'est mubtada muakhkhar wal waladu badal tayeb wa saghiru na't na'am tayeb wa ibn al mudarris al jadid huwa mubtada ibn na'am huwa c'est quoi on a dit aid mubtada ibn ma hu huwa c'est mubtada il est quoi ibn ايش ابنه هو اسم مبتدا نعم ابنه هو ابنه سي تبع بدل لا سام مبتدا مؤخر لا قلنا جه هو مبتدا كمان يا بعد مبتدا خبر خبر فتو وابنه هو مضاف المدرس مضاف اليه الجديد صفه دو مدرس نعم دو مدرس المدرس هو خبر المدرس صفة لا مدرس مضاف إليه مضاف إليه الجديد إلي صفة طيب إلي مضاف إليه دو كوا ابن المدرس ابن المدرس هو ابن المدرس المضاف إليه ابن المدرس مضاف إليه طيب دونك لوي إلي خبر إلي مضاف نعم يا الجديد جديدي صفات مدرس دونك اللي مجهول كم لي معرفة كم لي مذكر مفرد كم لي ايه عندنا غلاف مفيد جيس اجلس اجلس ما في حمية ما في حمية اجلس طيب دوزيام اكزارسيس املأ الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين القوسين بعد تحريته بألف واللام ça veut dire quoi qu'il veut que vous mettiez dans les trous le mot qui est entre parenthèses où vous fassiez un nacht en mettant ألف واللام vous voyez ça c'est pour ça c'est les Yom Sept. Mais j'ai un doute, parce que je serai peut-être de garde demain soir. Donc je vous avertirai demain, Inch'Allah. Il y a cours samedi ou pas. Je serai peut-être de garde demain soir. Donc si je suis de nuit, le matin, je serai KO, donc je ne pourrai pas faire de garde. Je vous assurerai demain, Inch'Allah. Si je suis de journée ou de nuit. En tout cas, ce sera à la maison pour le prochain garde. Vous avez compris, donc le mot contre parenthèse, vous en faites un art. La première, ça fait « Aïna al-Mudarrisi al-Jadidi ». C'est tout. Non, faites pareil pour toutes les autres phrases. « Aïna al-Mudarrisi al-Jadidi ». Jadidou. Ah donc, c'est pas on choisit n'importe lequel, c'est le mot qui est là qu'on le mot entre parenthèses, vous en faites un art. Ok, direct. Ça y est. Maintenant, il va parler vite fait du « Ismo Soul ». Il dit « Ikra ». At-talibu al-lazi kharaja min al-fasil an min al-Indonesia. » C'est où ça? Juste après, à la suite. C'est 3. Vous voyez, donc c'est l'étudiant qui vient de sortir de la classe et d'Indonésie. Ça va durer comme ça. Donc là, le shahid, c'est quoi? Elle l'a vie. Vous voyez? Et là, dans cette phrase-là, elle l'a vie. Qui c'est qui trouve quel est son statut grammatical? Dans cette phrase que je viens de lire. Qu'est-ce qu'il pourrait être? Il pourrait être rabat. Elle t'a enlevé la vie si moi je t'arrête. La phrase c'est mon épouse Fida. Oui, c'est mon sens de nature. Nous on veut son statut grammatical dans la phrase. Moutada, khabar al-fa'il, kaza, kaza. Il rentre pas une sifa, non? Là il serait sifa. Il serait na'at. Là tu décris le talib. Voyez? Et le khabar serait. Min Indonesia. En fait, c'est le. Elle t'a enlevé min Indonesia. Vous voyez, c'est ça en fait les deux piliers de la phrase. Les autres, c'est comme c'est des compléments. C'est des compléments. Les angles, voilà. Les complémentants, voilà. Tu sais, quand tu trouves une jumelle Mufida, tu trouves ces deux piliers, tu as trouvé la phrase. Et le reste, c'est des choses qu'on ajoute, ce sont des ajouts. Min Indonesia, ça c'est Khabar. Tu peux dire Kharaj al-An. Hein? Kharaj al-An, non, c'est juste une précision, Min al-Fasli. À part ça. Non, c'est Kharaj al-An, il vient après, elle l'a dit. Non, c'est Min al-Fasli. Donc ça, c'est complément de lieu, on peut l'enlever dans notre français. Ah, tu peux l'enlever. Même elle l'a dit Kharaj Min al-Fasli, tu peux l'enlever entièrement. Tu vois? Tayyib, deuxième phrase. Al-kitabu al-lazi al-maktabi lil-mudarrisi. Donc lui, il est que khabar, c'est tout. Mais en Indonésien. Non. il n'y a pas un autre truc. Non, Harf Jar, Ism Majhour, et tous les deux ensemble, ils sont Khabar. Non, mais à part ça, il y a un autre. Il y a un autre, comme Fil Fosl. Jar Majhour, Khabar. Al-Kitabu Al-Ladhi Al-Maktabi, Lil Mudarrisi. Donc là, ils sont les deux piliers de la phrase. Al-Ladhi. Là, les piliers. Les piliers, c'est-à-dire Al-Kitab. La Jumel Mufida, elle est basée sur deux choses. Al-Kitabu. Si t'enlèves le tout, qu'est-ce que tu pourrais garder pour que ce soit toujours mon fida Al-Kitabu. Al-Mudarrisi. C'est ça la base. Wa'alaih santifa alof. Donc, on a Al-Ladhi, il est quoi? Nart, pareil. Ouais. Attention, l'ismosu, il n'est pas toujours Nart. Là, dans cet exemple-là, il est Nart. Mais il peut être autre chose, il peut être Mutada, il peut être Fa'il. Attention, hein. C'est pas catégorique. Là, c'est dans ces phrases-là qu'on vient de prendre maintenant, il est Nart. Il peut avoir d'autres Irlob. Il peut avoir d'autres statuts grammaticales. Al-Kitab, il est quoi ici, Rabat? Là, il est Mutada. Ouais, Mutada, excusez-moi. Mutada, Ala, Harfidar, Al-Maktabi, c'est. Ismajour. Ismajour. Lil. Al-Mudarrisi. Harf Jar, Mudarrisi, Majour, et le Mudarrisi, Khabar. Khabar de Al-Kitab. Tayyib. Troisièmement, l'imam Hadal Kalamul Jamilu Al-Lazi Al-Maktabi. Ça, on n'a pas dit qu'on laisse pour plus tard. Ça, on laisse pour. Hein? Non, ça, on laisse pour, on pas. Non, l'imam, on l'a déjà. Maintenant, la grammaire, on l'a pas. Voilà, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Là, le Shahid, c'est Al-Lazi Al-Maktabi. Tayyib. Donc. À qui est ce stylo, ce beau stylo qui est sur la table ou qui est sur le bureau? Al-Jamil, il est toujours Nart. Là, le Kalem Jamil ou le Nart? Et le Lavid Nart, c'est un autre Nart encore. Il va y avoir plusieurs Nart. Il va y avoir plusieurs. Jarajoul, Kabirou, Jamilou, Zakiyou, Alimou, Kazakal, tu vas avoir plein de Nart. À l'infini. El Mubtada, il est où? Là, on laisse cette phrase-là. Vous voyez, c'est une phrase spéciale. À la base, vous m'intéressez à Hada. Vous voyez, vous m'intéressez à Hada. Taïeb. Rabihan. Al-Baytul Kabirul Lazi Fizalika Shari'i Il-Waziri. Donc là, le Mubtada, il est où? Al-Baytul. Al-Khabar, il est où? Il-Waziri. Non, il-Wazir. Ahsantum. Donc, Al-Kabiru, là, il est Na'at de Al-Bayt. Al-Lazi, c'est encore Na'at de Al-Bayt. Et ainsi de suite. Al-Khabar, c'est l'il-Waziri. C'est comme si tu disais Al-Baytu Al-Kabiru Lil-Waziri. Tu peux même dire Al-Baytu Lil-Waziri. C'est ça les deux piliers. Moutala Khabar, c'est de là. Et Zalika, c'est Ismu Ishara. En fait, c'est sur ce là qu'on vient rajouter. Non, après, c'est sur ce deux là qu'on se base. Il est Ismu Ishara et il y a quoi d'autre? On s'arrête là. On a dit les phrases qu'il n'y en a pas Al-Lazi, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Inch'Allah. Et Shara, elle est quoi ici? La phrase qu'il n'y en a pas Al-Lazi, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Ah, ne te complique pas la vie. Ah, d'accord. Okay. C'est pas maintenant. Ça viendra plus tard. طيب خامسا السرير الذي في الغرفة في غرفة خالد مكسور وكلمة ذلك نعم الخبر له أحسنت من جملة مفيدة cherche toujours ses piliers et quand tu trouves ses piliers le reste est facile. Non mais parce que moi un blomi tu vois ça fait que la seule problème c'est vraiment c'est que les traductions c'est qu'ils te mettent tout. Ah, oui. Tu peux pas réfléchir. Achète le kitab où il n'y a pas. Eh ouais, prends un kitab neutre où il n'y a rien dedans. Comme cela quand on va chez le Hadrami. Prends un kitab tout neuf chez le Hadrami sans la traduction française. Anfa'alak. C'est plus bénéfique pour toi. Tayyib. Donc, là, Al-Ladhi, il est quoi? Al-Sadir Al-Ladhi fil Ghufati Khalidin Maksour. Il est Nart. Tayyib, il est Nart. Donc après il dit Baytun Jadidun. Bayt c'est Man'out. Aïe Monsouf. C'est où ça Bayt? En dessous. À la suite. Je sais pas. Tourne la page. Je suis pas. Tourne la page. Ça veut dire quoi? Qualifié. Décrit. Mais si je tourne la page. Monsouf, c'est pareil. Hein? Non, c'est le. Allez, c'est synonyme. Bah c'est qui t'ont pas mis alors? Non, c'est pas ça. Sifatun. C'est où ça? Tu l'as pas, c'est qui t'ont pas mis. C'est ça. Ah ben ici. Apparemment, j'ai l'impression que vous vouliez apprendre. Manoud et Yassine, non, c'est pas forcément. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. Mansour est un sifa. Il y a une cause qui se différencie entre les deux, c'est deux mazhabs différents. T'as le mazhab des Koufiyim, c'est les gens d'Irak, par là, et t'as le mazhab des Basriyim. C'est à peu près le même secteur, et ces deux mazhabs en langue arabe sont les deux principaux. T'en as, ils disent Nark, C'est un égis sifa. C'est la même chose. C'est comme les harf jar. Quand ils vont dire comment ils disent déjà, j'ai oublié. Hein? C'est une partie de, du Sham. Tu vois. Et la langue arabe divise ces deux madhab. Et t'en as dit Nat, t'en as dit Sifa. Mais c'est la même chose, en fait. Tu vois. Non, poto. La foum? Et là, ils nous ont mis ces exemples parce qu'ils sont pas marifants. Donc plus tard, quand tu vas dans un kitab de Basriyin, tu vas pas voir Nat, tu vas voir Sifa. Et si tu vas dans un kitab de Basriyin, de Koufiyin, tu vas voir Nat, pas Sifa. Mais les deux, c'est la même chose. Et là, ils nous ont mis cet exemple parce qu'ils sont pas marifants, c'est pour ça. Même si ils étaient marifants, ils auraient dit El Beitoul, j'ai dit Idou. Ça, c'était pareil. Elle baie tout d'un autre et le jadidou n'art. Pareil. Et ils ont mis deux exemples comme ça simple. Et ils sont baïtoun et jadidatoun. Là, baïtoun, jadidou. À part ici. Comment ça, par ici? Mais pourquoi ils nous ont sorti? Exemple, pour que tu saches que ça, c'est un manout, c'est un art. C'est tout. Ouais, c'est le relation du def. C'est la du def. T'as pris le nart, t'as pris le manout. Voilà, ben justement, je vois pas pourquoi à la fin du def, ils nous ramènent un exemple comme ça. Et pourquoi? Si, justement. Pour que tu saches que le but du def, tu comprends ça. Non, mais lui, c'est normal qu'il dise ça parce que lui, il l'a expliqué depuis le début. Parce que lui, ils nous ont pas mis depuis le début. Bah, si, le début, bah, on a fait avec lui. Et, que... oui, avec et le livre, lui, il fait un khurafa à la fin. Le c'est un khurafa qui te met en fait. Oui, j'ai juste de m'en parler. C'est tout, c'est une conclusion. Conclusion, Nap, Manot. Ma foum. Ça y est, après, il dit Kalimat et Jadida. Al-Maktaba. Maktaba, c'est bibliothèque, ça peut être une librairie aussi. Ça y est. Al-Aim, c'est un verbe de men, qui veut dire maintenant, actuellement. Al-Mirwahatu, c'est ventilateur. C'est un verbe de men. Al-Mirwahatu, c'est un ventilateur. Al-Mustawsaf, c'est dispensaire, infirmerie, ainsi de suite. Al-Madrasatu, al-Sanawiya, c'est le collège. Al-Waziru, c'est le ministre. Naam. Shahirun, c'est célèbre. Et Haddun, c'est aiguisé, tranchant. La faune. Alhamdoulilah, on a donc là aujourd'hui, on a fini ce qui concerne. Wa alaykoum as-salam. On a fini ce qui concerne le Nart, c'est-à-dire le Sifa. On a pris un Ism Mawsoul. Et voilà. La faune. Wa ilahuna. Wa alhamdoulilah.